France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Marc Floriot, bonsoir. Peut-être se souvient-on du film de télévision sorti en 1982, A Woman Called Golda, réalisé par Alan Gibson et avec pour interprète principale Ingrid Bergman. Golda Meir publiait à Londres en 1976 My Life, paru en français en 1975 sous le titre Ma vie, chez Robert Laffont. La grand-mère d'Israël, 1898-1978, venue du nord, au-delà des montagnes du Caucase, aujourd'hui enterrée au Mont Herzl à Jérusalem, devait reprendre un an avant de mourir l'exercice d'un oral autobiographie au micro de France Culture. Les Nuits vous proposent de réentendre cette série de 10 émissions en 5 fois 1 heure. Aujourd'hui, les deux premiers volets, diffusés la première fois les 12 et 13 décembre 1977. Dans la série Les Grands Contemporains, Patrice Galbeau propose Entretien avec Golda Meir. And our fear is, our generation, that we will go down in history as the generation that was given an opportunity again to build a sovereign Jewish state, and we lost it. And it may be lost forever. Avec Eliaou Ben-Elissa, Mandera Gazit, ambassadeur d'Israël en France, Lou Kadar, professeur Yeshayahu Leibovitch, Haru Levavi, Daniel Mayer, Shimon Peres, Regina Mezzini, Jacob Tsour. Avec Denis Jans. And our fear is, our generation, that we will go down in history as the generation that was given an opportunity again to build a sovereign Jewish state, and we lost it. And it may be lost forever. Notre hantise est que notre génération, à qui a été donnée l'opportunité de reconstruire l'État souverain d'Israël, ne saisisse pas cette chance, et que pour l'histoire, elle l'ait laissée échapper à jamais. En mai 1978, Israël aura 30 ans, Golda Meir 80. Leurs destins se confondent en une des grandes aventures de l'histoire contemporaine dans ces entretiens que je viens d'avoir avec elle, permettant, j'espère, de mieux saisir les principales motivations. Il est bien long le chemin parcouru par la petite juive russe, née à Kiev en 1898, est devenue la Yiddish Mama, la grand-mère d'Israël. Aux yeux de Golda Meir, une seule chose compte et a toujours compté, le présent et l'avenir de son pays, la cause qu'elle a défendue toute sa vie sans défaillir. Bien souvent, elle s'est adressée aux grands de ce monde, mais c'est la première fois qu'elle accepte de tels entretiens à la radio. Le visage, la silhouette de Golda Meir nous sont familiers, on l'a vu souvent à la télévision, aux actualités, dans les journaux. Mais la rencontrer pour la première fois est extrêmement impressionnant. Cette femme, petite, porte en elle un tel rayonnement qui lui donne une véritable grandeur et même une sorte de majesté. Sa voix nette, chaude, précise, passe avec une extraordinaire habileté de l'humour, la gravité. Elle s'impose d'emblée même à ceux qui comprennent peu ou mal l'anglais, langue dans laquelle se sont déroulés ces entretiens. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai tenu à vous la faire entendre telle qu'elle est, séparant autant qu'il est possible le propos de Golda Meir de la partie doublée en français par Denis Jans. Comme je l'ai fait avec ces autres grands contemporains que sont le président Habib Bourguiba, Arthur Rubinstein ou le président Léopold Sédar Senghor, j'ai voulu entourer Golda Meir de ses amis, ses proches et ses adversaires parfois. Autant de témoignages qui permettront, je pense, de mieux cerner le destin d'une vie hors du commun. Eh bien, avant même de rencontrer Madame Meir, je voudrais demander à Loukadar de nous parler de celle qu'elle nomme affectueusement la patronne. Une patronne difficile? Non, lorsqu'on fait ce qu'elle veut, elle est très facile. Non, elle a certaines exigences. Elle est très nette dans son travail. Lorsqu'elle pose une question, lorsqu'elle demande quelque chose, il faut lui donner des réponses complètes, un dossier complet, ne pas faire les choses à demi. Lorsqu'on est habitué à travailler pour elle et qu'on fait le travail comme elle aime le faire elle-même, alors les relations sont excellentes. Elle est simple, elle n'a pas de caprices, elle travaille elle-même très dur et elle trouve tout naturel que les gens autour d'elle travaillent de la même façon. Un jour, Madame Meir, alors que vous parliez à un jeune Américain, vous avez réalisé soudain qu'avant tout, vous deviez lui expliquer en quoi Israël était un pays différent des autres pays. One day, Madame Meir, you were speaking to a young American man, and suddenly, you thought that first of all, it was necessary that you tell him why Israel is different from other countries. Could you do the same for us? That was President Kennedy. Yes. That I had the privilege to speak to. And I was then Minister for Foreign Affairs. And I was speaking to President Kennedy about the security needs for Israel. Oui, ce jeune Américain était le président Kennedy. Et ce jour auquel vous faites allusion, j'exposais quels étaient les moyens nécessaires à Israël pour assurer sa sécurité. And I thought it was necessary that I tell Mr. Kennedy wherein Israel is different from other countries. Et tout à coup, j'ai pensé que, avant de poursuivre, je devais en effet expliquer au président Kennedy pourquoi nous n'étions pas un peuple comme les autres? I said we are not different as far as governments are concerned. Every government that is decent wants to do the best for its people. And we do too. We are also not the only ones in the world where our country was occupied by foreign powers. Twice before, Israel, the Jewish people, had this country of their own. They were sovereign. And twice we lost it. Now, there are many other countries that in their history were overtaken by a foreign power. It's a very unpleasant thing. But the government was formed. But the people of the country remained on the soil. Je lui ai dit ceci. Nous ne sommes pas le seul territoire au monde à avoir été occupé par des puissances étrangères. Là n'est pas la différence. À deux reprises, le peuple juif a été souverain en Israël et à deux reprises, il a perdu cette souveraineté. Bien d'autres peuples ont connu le poids terrible d'une occupation étrangère, mais ils n'ont pas été chassés de leur pays. And then the usual thing was that there are underground movements and the people are organized, sometimes it takes a long time, and eventually the foreign power is thrown out of the country and people are sovereign again. With us, it was worse. La plupart du temps, la résistance s'est organisée, cela a pris parfois des années, puis l'étranger a été chassé à son tour et le peuple est redevenu souverain sur son propre sol. Pour nous, ça a été bien différent et bien pire. Twice before in our history, when foreign powers took over our country, they drove the people out. So that it wasn't only ruled by foreigners, but we were not allowed to remain in this country. À deux reprises, au cours des siècles, nous avons été occupés, mais l'occupant ne s'est pas contenté de nous gouverner, il nous a bannis de notre patrie. And our fear is that this time, if again our country is taken over by others, we again will be thrown out of this country. The difference is that throughout Jewish history, Jews never gave up their hope and their belief that we will come back. Notre grande et ancestrale peur est d'être encore chassés d'Israël. Tout au long des siècles, jamais nous n'avons désespéré, jamais, un seul instant, nous n'avons douté de notre retour dans ce pays. This time, this period is more difficult. Because after the Holocaust, 6 million Jews that were killed by the Nazis, they were East European Jews. And that was the reservoir of Jewish culture and religion and Zionism and Hebrew education. They are gone. Nous traversons une époque particulièrement difficile. 6 millions de Juifs ne sont plus. Disparus dans l'Holocauste nazi. Ces Juifs d'Europe centrale pour la plupart étaient le réservoir sans prix de la culture, de la religion juive, du sionisme, de l'éducation hébraïque. Ils sont morts. There are 6 million Jews in the United States. They're very good Jews. But I'm not sure, I said to the president, whether American Jews will have the stamina to go on and believe and hope and pray that we will come back again. Il y a aux États-Unis 6 millions de Juifs. Ce sont de bons Juifs, mais je me demande s'ils ont en eux cette détermination farouche qui est la nôtre et s'ils nous aideront à garder notre patrie, notre pays. And our fear is, our generation, that we will go down in history as the generation that was given an opportunity again to build a sovereign Jewish state, and we lost it. And it may be lost forever. Notre hantise est que notre génération, à qui a été donnée l'opportunité de reconstruire l'État souverain d'Israël, ne saisisse pas cette chance. Et que pour l'histoire, elle l'ait laissé échapper à jamais. And I remember very distinctly, it was an informal meeting that we had, not in Washington, but in Florida. And President Kennedy was on his rocker, and he leaned over to me and took my hand, and he said, I understand. And I really had a quite definite feeling that he understood. That our position was much more complicated than in other countries and with other people. And therefore our struggle for the security of Israel and to assure the existence of Israel is a heavier responsibility than in any other country. C'est là à peu près ce que ce soir-là j'ai dit au président Kennedy. Ce n'était pas à Washington, mais en Floride, une réunion sans aucun protocole. Il était assis dans son fameux fauteuil. Il s'est penché vers moi et m'a pris la main. Je vous comprends. Ce furent ses seuls mots. Mais j'ai su immédiatement qu'en effet, il avait compris à quel point notre situation était infiniment plus compliquée que celle des autres nations et des autres peuples, et combien notre lutte pour assurer la sécurité d'Israël, l'existence même d'Israël, était une lutte harassante et une responsabilité terriblement lourde. Golda Meir vient de nous le dire, elle présentait Israël au président Kennedy comme un pays différent. Le temps a passé depuis cette entrevue en Floride. Israël est-il toujours différent? Et s'il ne l'est plus, quelles sont les raisons profondes de ce changement? Voilà ce que je voudrais vous demander, Daniel Meir, vous qui connaissez bien et Golda Meir et Israël. Peu à peu, à cause de l'hostilité qu'il a connue, l'État d'Israël est devenu un État à peu près comme un autre, alors que les désirs profonds des pionniers qui l'ont d'abord envisagé, qui en ont eu la vision, et puis qui l'ont créé, qui l'ont construit, étaient de faire de l'État d'Israël, de ce qui était alors le futur État d'Israël, un État différent des autres. Non pas parce qu'ils pensaient que les Juifs sont des êtres différents des autres, ils ne le sont que par le malheur ou par les outrages du passé, mais parce qu'ils pensaient que on pouvait créer un État qui fût rempli de liberté, qui fût rempli de justice et qui, peu à peu, aurait créé une sorte d'autre homme. Il est certain, ça peut paraître curieux et pour moi c'est toujours un sentiment de stupéfaction, il est certain que les enfants de celui qui, à la limite, était dans un ghetto de l'Europe de l'Est, tout petit, malingre, chétif, sont maintenant, une seule génération a suffi, de grands gaillards, dont les exploits sportifs, agricoles, industriels, militaires, puisqu'on les y a obligés, ne pouvaient pas être envisagés par leurs parents. Il est certain qu'il y a eu cette mutation. Mais l'État d'Israël est devenu peu à peu un État comme un autre, avec ses servitudes, avec ses douaniers, avec sa police, avec, hélas, puisque je le répète, on le lui a imposé, son armée, et une armée qui n'avait pas le droit d'être vaincue. Quand vous étiez enfant en Russie, vous avez vu beaucoup d'horreurs. Pensez-vous que ce soit la raison profonde de tout ce que vous avez fait plus tard pour Israël? I've read in a book about you that all you have done for your country, for this Israel state, is because of things you remember when you were a little girl, things you saw, horrible things like that. Is that true? Yes, I think it's, let me put it this way, it was easier for me because I saw these difficulties. Oui, en effet. Disons, si vous voulez bien, que tout m'a été plus facile, justement parce que j'avais vu toutes ces horreurs en Russie. If you come to a young Jew in France, or a young Jew in the United States, for generations maybe, it's been American-born or French-born, you have to begin to explain to him why he should want a Jewish state, and why he should want to come here, why he should be a pioneer, and so on. I didn't have to do so much explaining because I saw the horrors. Pour de jeunes juifs français ou américains, depuis des générations, ce n'était pas pareil. Il fallait commencer par leur expliquer pourquoi ils devaient vouloir la création d'un État d'Israël, pourquoi ils devaient vouloir venir y vivre, pourquoi ils devaient être des pionniers. Je n'ai pas eu besoin de toutes ces explications. J'avais vu l'horreur. Vous avez vu des pogroms à Kiev? Did you see pogroms when you were in Kiev? No, I came very close to seeing a pogrom. I was then about 4 years old. That's the first thing I remember. When the rumors were that there is going to be a pogrom. Non, mais j'ai bien failli en voir un. Je devais avoir 4 ans à peu près. C'est mon premier souvenir. Il y a eu des rumeurs annonçant un pogrom. And then my father tried to put boards on the door, which wouldn't have helped, of course. But it just didn't happen. Mon père a barricadé les portes et les fenêtres avec des planches. Ça n'aurait pas servi à grand-chose. Heureusement, rien n'est arrivé. But I knew of pogroms when I was about 6 years old. We had left Kiev because my father went to the United States, and at that time Jews were not allowed to live in Kiev without special permission. Mais quand j'ai eu 6 ans, j'ai compris ce qu'était un pogrom. Nous n'habitions plus Kiev car mon père était parti pour l'Amérique, et à cette époque, les Juifs ne pouvaient habiter Kiev sans autorisation spéciale. And since my father left, we had to go back to my mother's city, Pinsk. Comme mon père s'en allait, nous avons tous été obligés de partir. Nous sommes retournés à Pinsk, la ville natale de ma mère. And I remember when I was about 6 years old that the rabbis declared a day of fast. Because there was a pogrom in another city in Russia where Jews were killed, and the rabbis all over Russia decided that this must be a day of mourning. You have to go to the synagogue and not eat all day. Of course, I didn't understand too much what this was all about, but at any rate, I was stubborn when I was a little girl too. And I decided that if everybody is fasting, I will too. And I knew it was a day of mourning because everybody was in mourning. And my grandparents and my mother all went to the synagogue, and they're not eating, so I didn't eat either. But that was as close as I got to pogroms. Et là, je revois très bien tout cela. J'avais 6 ans. Un certain jour, qui devait être jour de fête, le rabbin a décrété que ce serait un jour de jeûne parce qu'il y avait un pogrom dans une autre ville de Russie et que des juifs avaient été massacrés. Tout le monde devait se rendre à la synagogue et ne rien manger pendant 24 heures. Je ne comprenais pas très bien ce qui se passait et j'avais déjà un bon estomac quand j'étais une petite fille. Et bien malgré ça, j'ai décidé que si tout le monde jeûnait, je jeûnerais aussi. J'avais réalisé que c'était un jour de deuil. Alors j'ai pensé, mes grands-parents, ma mère, tout le monde est allé à la synagogue. Ils ne mangeront pas, alors je ne mangerai pas non plus. C'est là ma plus proche vision d'un pogrom. Quand vous êtes venu aux États-Unis pour la première fois, qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Une impression de liberté? When you came to the States for the first time in 1906, after coming from Russia, what was your first feeling? A feeling of freedom? Everything was free and everything was different. And that's really when the first time I knew what it means to live in a free and a democratic country. And oui, c'était en 1906. Venant de Russie, tout paraissait différent. Et c'est en effet la première fois que j'ai compris ce que cela signifiait, vivre dans un pays libre. My father was a member of the Carpenters Union. And on Labor Day, they marched. Mon père faisait partie de l'Union des Charpentiers, et le jour de la fête du travail, ils avaient organisé une manifestation. That somebody that comes from Russia to see something like that, and there were policemen guarding that nobody should interfere with the march. Well, this is the first time I saw policemen not attacking people. Pour des gens qui arrivaient de Russie, voir cela, voir des policiers qui veillaient à ce que personne ne perturbe la manifestation, c'était bien la première fois que je voyais la police ne pas charger le peuple. And my younger sister was 4 years younger than I am, and I was 8 then, but she too remembered the Cossacks in the city from which we came running over people and beating them and so on. When she saw policemen, she began to scream, "The Cossacks are coming." Ma petite sœur, qui avait 4 ans de moins que moi, j'en avais 8, se rappelait les Cosaques pourchassant les gens et les battant. Quand elle a vu les policiers, elle s'est mise à hurler, « Les Cosaques arrivent !» And she really became ill. She got a very high temperature. So, between Cossacks and policemen on horses that are watching that a labor parade on Labor Day should be orderly, it's quite a difference. Et elle est vraiment tombée malade. Elle a eu un accès de fièvre terrible. Ah oui, entre les Cosaques et les policiers américains à cheval protégeant une manifestation le jour de la fête du travail, il y avait une bien grande différence. C'était Entretien avec Golda Meir, une émission de Patrice Galbeau. Avec Lou Kadar, Daniel Mayer, Denis Jans. Prise de son extérieure, Asaf Marglit. Prise de son studio et mixage, Agnès Boissonnade, Joseph Rémiot. Collaboration, Patrick Liégibel. Réalisation, Alain Paulet. Our fear is that this time, if again our country is taken over by others, we again will be thrown out of this country. Notre grande et ancestrale peur est d'être encore chassé d'Israël. Dans la série Les grands contemporains, Patrice Galbeau propose Entretien avec Golda Meir. I went because I believed in this. And then I believed coming here, going to work. Avec Eliaou Ben Elissar, Mandera Gazit, ambassadeur d'Israël en France, Lou Kadar, professeur Yeshayahu Leibovitch, Haru Levavi, Daniel Mayer, Shimon Peres, Regina Mezzini, Jacob Tsour. Avec Denis Jans. I wasn't looking for an easy life. I went because I believed in this. And then I believed coming here, going to work. Je n'ai jamais recherché une vie facile. Sinon, je serais resté en Amérique. Le 23 mai 1921, le Pocahontas quitte New York à destination de Naples. Par suite d'une mutinerie de l'équipage, qui est suivie d'un sabotage et d'un incendie criminel, le bateau met 44 jours au lieu des 2 semaines prévues pour atteindre son lieu de destination. En cours de route, un mécanicien se suicide, un marin meurt de façon mystérieuse. Sur les quelques centaines de passagers embarqués dans cette aventure, on note un petit groupe de 23 jeunes juifs américains qui se rendent en Palestine. Dans ce groupe, Golda Meirson, son mari, Maurice, et une amie, Regina Mezzini. Moyenne d'âge, 25 ans. Le 5 juillet, débarquement à Naples. Mais les ennuis ne sont pas terminés pour autant. En raison des émeutes en Palestine, les marins de Jaffa refusent de transporter les Juifs. Il faut passer par l'Égypte, prendre le bateau pour Alexandrie et poursuivre par train. Un voyage moins dramatique, mais assez rocambolesque tout de même. Et enfin, plus d'un mois et demi après avoir quitté New York, les émigrants arrivent à Tel Aviv. Madame Meir, à quoi ressemblait Tel Aviv en 1921, lors de votre arrivée? When you came in Tel Aviv for the first time in 21, I guess it was quite different. Yes. We came by boat to Alexandria, and from Alexandria we came by train to Tel Aviv, going through the desert, in the terrible train. And it was in July. Aucun rapport avec Tel Aviv aujourd'hui. D'Amérique, nous avons pris un bateau jusqu'à Alexandrie. Un voyage inimaginable. Regina Mezzini vous en parlera si vous voulez. Puis d'Alexandrie à Tel Aviv, un train. Nous avons traversé le désert en plein mois de juillet. By the way, it's the 14th of July. And we came to a little wooden shack and sand. We saw nothing but sand, terrible heat. And Tel Aviv had maybe three streets and very few trees and sand. That was it. That's all. It wasn't very pleasant, but this was it. Et le 14 juillet, eh oui, nous sommes enfin arrêtés devant une petite gare en bois et partout du sable, rien que du sable et une chaleur torride. Trois rues, quelques arbres et du sable, c'était Tel Aviv en 1921. Ça n'avait rien de bien réjouissant, mais c'était comme ça. Vous venez de dire, Goldlamer, qu'à votre arrivée ici en 1921, la vie était très dure. Alors pourquoi avoir créé ces kibbutzim où la vie a été encore plus dure? You said that when you came in Israel for the first time, it was very hard. Why? If life was already so hard in Israel, kibbutzim made life a little more difficult, maybe. Right. Must be a reason. Well, Zionism and the idea of coming back to our country did not mean only a geographical change, that if somebody lived in Russia, he would come to Palestine. If somebody lived in the United States, he would come to Palestine. That wasn't enough, because there was nothing to come to. You had to build it, and you had to change the entire structure of the economic life of the Jewish people. Le retour des Juifs dans leur pays ne devait pas être une simple migration géographique. Ce n'était pas du tout l'idée force du sionisme. Que des Juifs vivant en Amérique ou en Russie viennent s'installer en Palestine, ça ne suffisait pas. Ce qu'il fallait, c'était construire, transformer de fond en comble les structures mêmes de la vie économique du peuple juif. Throughout the ages, now, when we were here, thousands of years ago, our people were farmers and they were workers. And when we were thrown out, for instance, in Tsarist Russia and in other countries, we weren't allowed to have land and to be farmers. So Jews went into other ways of the economic life. And Zionism meant when we come back here, we have to begin to build a country, we have to become farmers, we have to become road builders, we have to create the country with our own hands. Et il y a des millénaires, nous étions un peuple de fermiers et d'ouvriers. Plus tard, en Russie particulièrement, on nous a interdit de posséder des terres. Les Juifs ont dû alors se tourner vers d'autres métiers. Mais en revenant ici, il fallait reconstruire le pays, redevenir des paysans, des ouvriers, des bâtisseurs. Il fallait faire des routes, il fallait créer un pays avec ses mains. Now, the kibbutz movement started 70, 80 years ago by people who were not farmers, but they had to go out, for instance, in the valley of the Jordan. You will see them. Les premiers kibbutzim datent de 1900 environ. Vous pouvez les voir dans la vallée du Jourdain. For an individual Jew to go out there, first place, he couldn't do anything very much by himself, and it was dangerous because the Arabs there didn't want them. Les Juifs qui vivaient là n'étaient pas des paysans, mais ils devaient s'en sortir tout de même. Seul, c'était impossible et dangereux, car les Arabes ne voulaient pas d'eux. So they had to go in groups. And then they also had a social ideology that you live and you share. And you don't, that the greatest ideal was not to compete, but to cooperate, to work together. Il fallait donc former des groupes, mais c'était aussi une question d'idéologie sociale. Leur idéal n'était pas de concurrencer qui que ce soit, mais au contraire de coopérer et de travailler ensemble. And so the kibbutz ideology was that everybody works, does as much as he can, and the group together provides what he needs to the extent that the group has what to give. That the children are the care not only of their parents, but of the entire group. So of course the first care is the children. L'idéologie des kibbutzim consistait en ce que chacun accomplisse sa tâche le mieux possible pour subvenir aux besoins de tous, et que les enfants ne soient pas à la seule charge des parents, mais à celle de la communauté tout entière. So well, it may be more difficult, but it has a great ideal as for its foundation, social ideal, for those that accept that, and it was the only efficient way to really build the country, at least agriculturally. Tout ça présente beaucoup de difficultés, mais à la base, il y a un magnifique idéal, et c'était le seul moyen vraiment efficace à l'époque pour construire ce pays, dans le domaine de l'agriculture particulièrement. So, and when I was in the States, before I came here, and I knew of the kibbutz movement, and to me, coming to Palestine meant going to a kibbutz, to become a farmer, and to work together in a group. Avant de venir ici, j'habitais les États-Unis, comme vous le savez, et j'avais entendu parler des kibbutzim. Pour moi, venir en Palestine n'avait de sens que si j'allais dans un kibbutz pour travailler en groupe. And sure, it was difficult, but it was creative. I mean, I wasn't looking for an easy life. Life in Milwaukee was easier than in Tel Aviv and than the kibbutz. I wasn't looking for an easy life. I went because I believed in this. And then I believed coming here, going to work. When I came, I was offered by the first high school that was in the country then, the Herzliya Gymnasia. I was offered to take a position as teaching English, and I told them that isn't what I came for. That I did in Milwaukee. What I want to do here is to become a farmer. Oh, évidemment, ce n'était pas facile, mais c'était cela, créé. Je ne recherchais pas la vie facile, sinon je serais resté à Milwaukee. Je suis venu ici parce que j'y ai cru. À mon arrivée, on m'a proposé un poste de professeur d'anglais. J'avais répondu que je n'étais pas venu pour ça, j'étais professeur à Milwaukee. Ici, je voulais être une paysanne. C'est la plus belle époque de votre vie, n'est-ce pas? And it was one of the best times of your life, no? Yes, for me, yes. To my sorrow, I didn't remain. La plus belle et, à mon grand regret, je n'ai jamais pu recommencer. Et les jeunes qui sont nés dans un kibbutz, si cette vie ne leur convient pas plus tard? But now, the young children who were born in kibbutz, if they don't like it, they can leave. I'm very happy that my daughter went to kibbutz in 46, and her children remained. She has a daughter that is already was born there and is already married, and her son is now in the army, but he's a member of the kibbutz. But there are children that leave. They're free to leave. Ils peuvent s'en aller. Moi, je suis très heureuse parce que ma fille s'est installée dans un kibbutz en 1946 et ses enfants y sont restés. Elle a une fille qui est née là et qui s'y est mariée. Mais bien sûr, il y a quelques jeunes qui partent. Monsieur Jacob Tzur a été un des grands ambassadeurs d'Israël, en France particulièrement. Monsieur l'ambassadeur, vous connaissez Golda Meir depuis combien de temps? Nous sommes arrivés en Israël à la même époque, en 1921. Et elle, qui est un peu plus âgée que moi, est déjà venue comme pionnière. Moi, je suis venu comme adolescent avec ma famille. Mais nous sommes arrivés dans la même année. Elle d'Amérique, moi de Russie, de la Russie de la Révolution. Et je la connais depuis ce temps-là. Elle était, je dirais, la seule américaine du leadership israélien ouvrier à l'époque. C'est-à-dire, elle était la seule qui connaissait l'Amérique, qui savait parler l'anglais à l'américaine. C'est pourquoi, dès le commencement, quand elle était encore membre d'un kibbutz, on l'envoyait bien souvent en mission aux États-Unis. Mais elle est devenue, je dirais, un personnage politique de première ligne après son témoignage dans un très célèbre procès où l'on a accusé deux ou trois leaders de la Haganah en 1938 par là d'être membres de la Haganah. Et à la Haganah, qui était la force de défense clandestine de la communauté juive en Israël en ce temps-là. Elle a donné un témoignage remarquable. Elle a dit, moi aussi je suis membre de la Haganah, nous sommes tous membres de la Haganah. Et de sa façon fière et très simple, elle s'est immédiatement distinguée parmi, je dirais, les leaders politiques du mouvement ouvrier. Je disais tout à l'heure que sur le Pocahontas, ce fameux bateau censé amener les émigrés juifs américains jusqu'en Palestine, se trouvait, avec Golda Meir, une jeune fille, Regina. Regina Mezzini, vous connaissez Golda Meir depuis de longues années. Elle dit que vous êtes sa meilleure amie. Well, we met in Milwaukee. C'est vrai. Nous nous sommes connus à Milwaukee. Nous avions 18 ans. Et depuis, nous ne nous sommes jamais quittés. Vous êtes venus ici ensemble? Yes, we came together to what was then Palestine, and we lived together for a while until I went to work in Jerusalem. Oui, nous sommes venus en ce qui était alors la Palestine. Nous y avons vécu ensemble pendant un certain temps, puis je suis allée travailler à Jérusalem et Golda est partie pour un kibbutz. Comment était Golda Meir à cette époque? Already then, you could feel that she was a personality. She was the head of our class. She was the brightest student in our class. She had the best marks. And she always had ideas and was never afraid to speak up about them. C'était une personnalité. Toujours première en classe. Les meilleures notes. Elle avait déjà ses idées et les défendait. Rien ne l'effrayait. Elle n'était pas très heureuse chez elle. Sa mère ne voulait pas qu'elle poursuive ses études. Elle pensait que Golda en savait bien assez pour se marier. And she, for that reason, she left home. And I helped her run away to her sister in Denver, Colorado. Elle voulait absolument s'instruire. C'est pourquoi elle est partie de chez ses parents. Je l'ai aidée à s'enfuir et à aller chez sa sœur dans le Colorado. Elle y est restée 2 ans. Elle m'écrivait régulièrement. Toute cette histoire m'a valu une paire de claques. Ma mère était furieuse que je lui ai caché les projets de Golda et que je l'ai aidée à s'enfuir. Golda Meir est retirée de la vie politique. Vous pensez que c'est définitif? I hope and pray that she does not, for her own sake. Et je prie pour que ce soit définitif, ne serait-ce que pour sa santé. À votre avis, Regina Mezzini, quels sont les événements qui l'ont rendue le plus heureuse ou le plus malheureuse? Well, what made her very unhappy was constantly the strife between us and our neighbors, as it makes all of us. There were moments when there was difficulties in the party that made her unhappy. Malheureuse, ce qui nous rend tous malheureux, nos problèmes avec nos voisins. Heureuse quand elle a été élue à la tête de son parti. Sa plus grande joie, évidemment, a été la création de l'État d'Israël. J'étais là-bas quand l'ONU a voté oui, un des plus beaux instants de ma vie. Nos guerres l'ont rendue heureuse ou malheureuse selon que nous ayons été plus ou moins vainqueurs. Mais toujours désespérée de voir nos jeunes se faire tuer. D'après vous, elle regrette de ne plus être Premier ministre? Well, personally, I think she is very glad to be free of this heavy burden. After all, she has carried it for very many years. There have been many times when she hasn't been too well. Je suis persuadée qu'elle est délivrée de ne plus porter ce fardeau écrasant. Elle a tellement travaillé, et pendant tant d'années, elle a été malade. Vraiment, je crois qu'elle est très heureuse maintenant. Quelles sont les caractéristiques du socialisme israélien? Il diffère du socialisme des autres pays? Is a socialism, Israeli socialism, different from the socialism in other countries? Yes, for instance, there is no kibbutz movement anywhere. Mm. Oui, par exemple, il n'y a de kibbutzim nulle part au monde, de moshav non plus. And there isn't a moshav anywhere. Moshav is different from a kibbutz. It's a cooperative village, but every family has its plot of soil, and they work themselves, and they cooperate in many things. But what they get from their soil, each family is for itself. Le moshav est différent du kibbutz. C'est un village en coopérative, mais chaque famille possède son lopin de terre qu'elle cultive elle-même. But even that you don't have anywhere in the world. I mean, the kolkhoz in Russia, that's ridiculous, has nothing to do with the kibbutz. Non, cela n'existe nulle part ailleurs, surtout pas en Russie. Les kolkhoz n'ont rien à voir avec les kibbutzim. C'est ridicule. They tried to have a kibbutz and they failed. So they went into the kolkhoz, which a member of the kolkhoz works in the entire village, but has a little bit of his own for himself. And that in the kibbutz you don't have. No private property of anything. Ils ont essayé d'avoir des kibbutzim, ils ont échoué. Dans un kibbutz, rien n'appartient à personne et l'argent n'existe pas. Au cours de sa carrière, Madame Meir n'a pas eu forcément que des amis politiques. Elle a eu des ennemis, comme tout homme ou toute femme importante. Est-ce qu'elle elle garde une grande fidélité aux gens qui ont travaillé avec elle et qui ont fait bien ce qu'ils avaient à faire? Oui. Elle est extrêmement fidèle. Fidèle dans ses amitiés, fidèle dans ses inimitiés. Elle est connue pour cela. et ses fidélités envers ses amis, envers les gens avec lesquels elle a travaillé pendant un certain temps, envers ses collègues, sa fidélité est connue, elle reste fidèle envers et contre tous. Et elle a du mal à admettre que des gens qu'elle a connus et qu'elle a aimés n'ont pas suivi la même règle de conduite qu'elle suit. Elle continue à croire dans toutes les personnes dans lesquelles elle a cru, avec lesquelles elle a travaillé. Elle est d'une extrême fidélité envers des amis qu'elle a eus il y a 50 ans et envers des amis plus récents et envers des collègues. Envers des collègues même avec lesquels elle n'a pas toujours été en grande amitié, mais enfin, avec lesquels elle a travaillé de bon cœur. Je pense à des ministres de ses divers cabinets, avec lesquels elle ne s'entendait pas toujours au point de vue politique, puisqu'elle a toujours eu des coalitions, mais qu'elle reconnaissait comme des gens de conscience, et des personnalités qui travaillaient, qui étaient honnêtes dans leur travail. Jusqu'à présent, elle le reste absolument fidèle, elle croit en eux. Et naturellement, avec les gens avec lesquels elle a travaillé, c'était ce qui est tout à fait réciproque. Les gens qui ont travaillé avec elle pendant assez longtemps lui restent aussi extrêmement fidèles. Et il y en a qui reconnaissent, qui n'ont pas toujours été d'accord avec elle, il y en a qui reconnaissent ses qualités et ses défauts. Mais il lui reste absolument fidèle et en général plein d'admiration. Et cela dure depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et cela s'étend sur toutes les classes de gens que nous avons ici. Ça peut être des chauffeurs qu'elle a eu pendant des années, des gardes du corps, des ministres de cabinet, des médecins, etc. Sa fidélité est immense et comprend tous les domaines. C'était Entretien avec Golda Meir, une émission de Patrice Galbeau. Avec Lou Kadar, Regina Mezzini, Jacob Tsour. Avec Denis Jans. Prise de son extérieure, Asaf Marglit. Prise de son studio et mixage, Agnès Boissonnade, Joseph Rémiot. Collaboration, Patrick Liégibel. Réalisation, Alain Paulet. We were prepared for a difficult life, and we had it. We weren't disappointed. It was very difficult. Nous étions préparés à une vie difficile. Nous n'avons pas été déçus. Ça a été en effet très difficile. C'était les deux premiers volets de 10 émissions diffusées la première fois les 12 et 13 décembre 1977. sure, Trummer. Way down, way down, way down. Oh, up the lazy river where the old mill run. Up the lazy river with the noonday sun. Lingering in the shade of a kind old tree. Throw away troubles, dream a dream of me, dream a dream of me. Up the lazy river where the robin's song, two bright lights as we stroll along. Blue skies up above, the one I love. Up the lazy river, how happy we will be, mama, yeah. Yes, up the lazy river, up the lazy river, oh, you river, you river, oh, you dog river. Look out there, Billy Kyle, modulate, Teddy, modulate.